Chapitre 9e. La gaieté du printemps était partout. Sur la mer bleue, à peine ridée par le souffle du matin, le soleil jetait ses taches lumineuses, les barques de pêcheurs se balançaient indolentes, leurs voiles blanches ressemblant de loin à des mouettes gigantesques rasant le flot. À travers les vapeurs rosées se dégageant du ciel, les hirondelles se poursuivaient d'un vol rapide. Dans les parterres, les arbustes en pleine floraison exhalaient leurs senteurs violentes, les abeilles butinaient dans les roses, les papillons voltigeaient au-dessus des corbeilles diaprées, se suspendant aux coupes orangées des crocus. Tout était épanouissement et lumière. Et, assise en face de sa fenêtre, Ludmi détournait son regard de ce riant tableau. Pourquoi donc cette réjouissance universelle lorsqu'au-dedans d'elle-même il n'y avait qu'obscurité et désespoir? Elle eût voulu une journée moins claire et moins d'azur aux cieux, car c'était aujourd'hui qu'elle allait accomplir son sacrifice. 5 jours s'étaient écoulés depuis son entrevue avec Olaf, 5 jours qu'elle avait employés à préparer secrètement sa fuite. Le prince ne soupçonnait rien. Ne valait-il pas mieux le laisser dans l'ignorance jusqu'au bout? Et elle avait su ne rien trahir de ses déchirantes préoccupations. Et tout à l'heure, elle s'en irait avec un rire joyeux, et elle serait loin déjà, loin lorsqu'il réaliserait qu'elle l'avait quitté pour ne plus revenir. Son plan était d'une simplicité extrême. Elle irait à Naples, sous quelque futile prétexte de robe à essayer ou à commander. De Naples, elle prendrait le train pour Rome, puis, sans s'arrêter, elle gagnerait Florence, le nord de l'Italie, l'Allemagne. Et elle voyagerait nuit et jour tant qu'elle aurait des forces. Ewald, voulut-il la poursuivre, ne parviendrait pas à la rejoindre, et une fois à Felsenthal, elle serait à l'abri, elle serait sauvée. Mais elle ne pouvait partir sans laisser à Ewald un adieu. Il fallait qu'il sût la vérité, ou plutôt, hélas, il s'agissait de lui mentir. Accepterait-il la rupture s'il lui avouait qu'elle partait désespérée, que cet amour qu'elle répudiait subsistait en elle aussi vivace, aussi indestructible qu'au premier jour? Non. Elle devait lui cacher cela, elle devait se calomnier, se donner pour la femme égoïste et versatile qu'elle n'était pas, afin qu'il pût se détacher d'elle sans regret, la rejeter hors de sa vie en se disant « Je m'étais trompé ». Elle souffrirait davantage, mais lui souffrirait moins, et n'était-ce pas ce qu'elle voulait? Pourtant, tout protestait en elle, tandis qu'elle traçait ses lignes mensongères. « Je ne sais, Ewald, si vous avez pénétré mon secret. J'ai essayé de vous tromper, de me tromper moi-même. Il ne m'est plus possible de prolonger ma dissimulation. Je vous ai aimé de toutes les forces de mon âme. À quel point cette passion était vraie? À quel point elle était exclusive? Ne vous en ai-je pas donné trop de preuves? N'ai-je pas tout renié, tout foulé aux pieds? Vous seul existiez pour moi, et dans l'excès de cet amour, je puisais ma justification. Je me savais coupable, mais le sentiment auquel je cédais me dominait si entièrement. Je croyais de si bonne foi à sa puissance et à sa durée qu'il me semblait mériter le respect bien plus que le blâme. Et aujourd'hui, ah, aujourd'hui, cet amour que je croyais éternel, je le cherche vainement dans mon cœur. Je ne rencontre en moi que lassitude, stérile repentir, besoin irrésistible de solitude et d'expiation. La lutte que je soutiens est bien cruelle. D'une part, le remords de mon inconstance, de l'autre, la soif de briser mes chaînes, de respirer librement, sans le souci de feindre une tendresse que je n'éprouve pas. Je pars donc, Ewald, en vous demandant pour dernière et unique faveur de ne pas me flétrir de votre mépris. Je ne suis pas la femme que vous avez aimée, oubliez-moi. Jetez sur le passé le voile du pardon. Ludmi. C'était fini. Elle avait écrit tout d'un trait sans vouloir se donner le temps de réfléchir. Elle avait plié et cacheté sa lettre. Maintenant, elle la posait bien en évidence. Dans quelques heures, elle serait entre les mains du prince. Et l'imagination surexcitée de la malheureuse enfant évoquait une à une les sensations d'Ewald à mesure qu'il lirait. Il ne comprendrait pas d'abord, il ne pourrait pas croire, puis son incrédulité se changerait en indignation d'avoir été le jouet d'une illusion misérable, puis enfin la réflexion viendrait et le soulagement succéderait à la colère. N'aurait-il pas reconquis sa liberté sans avoir à s'adresser un reproche? C'était elle qui l'abandonnait, qui l'exonérait de ses serments. Son honneur à lui sortait intact de cette triste aventure. Oui, c'est ainsi qu'il raisonnerait, ainsi qu'il la méconnaîtrait. Eh bien, encore une fois, cela valait mieux. La voiture s'avançait devant le perron. Ludmie se leva. Plus tard, dans les semaines d'abattement qui suivirent cette période aiguë de sa vie, lorsqu'elle eut le loisir de se remémorer les détails de cet étrange départ, ce ne fut jamais sans s'étonner de l'énergie qu'elle avait trouvée en elle au moment décisif. Elle était descendue, élégante et jolie dans sa fraîche toilette. Ewald, qui l'attendait sur la terrasse, avait sollicité en riant la permission de l'accompagner, assurant qu'il lui serait d'un grand secours, que nul ne s'y connaissait mieux que lui en matière de chiffon. Elle avait eu le courage de répondre gaiement, tandis qu'il lui baisait la main, qu'il l'aidait à monter en voiture. Et c'était avec une plaisanterie sur les lèvres, un sourire de femme heureuse, qui ne se sépare que pour un court moment de l'être aimé, qu'elle s'était éloignée, qu'elle avait pris cette route de l'exil qui s'étendait devant elle, sombre, désolée, interminable. Cet instant de la séparation, l'image d'Ewald telle qu'il lui était apparu lorsque la voiture franchissait la grille et qu'elle s'était retournée pour échanger avec lui un dernier signe d'adieu, tout cela demeurait net et précis dans sa mémoire. Puis, son esprit se troublait, les incidents de son voyage se confondaient dans son cerveau. Il ne lui en restait qu'une impression mal définie, comme d'un cauchemar qui vous a angoissé jusqu'au matin et dont on ne sait plus rien au réveil. Des lambeaux de souvenirs lui revenaient par intervalles. Elle se rappelait le frisson qui secouait ses membres lorsqu'elle s'était vue seule dans la grande gare de Naples, son petit sac à la main, jetant autour d'elle des regards inquiets, dans la crainte folle d'être reconnue et arrêtée, le sentiment de détresse qui s'était emparé d'elle lorsque le coup de sifflet du départ avait retenti, que le train s'était mis en marche, et que tout à coup, elle avait senti qu'elle était seule au monde, qu'elle ne reverrait plus Ewald, jamais, jamais. Elle se rappelait encore obscurément les alternatives affreuses qui l'avaient bouleversée, les crises de révolte qui usaient son courage, les subites défaillances de sa volonté. Deux fois, trois fois, elle avait voulu retourner en arrière. À chaque nouvelle étape, elle disait « Je ne puis plus ». Et pourtant, elle avait continué, sachant à peine les pays qu'elle traversait, mais ne se trompant pas, gagnant sûrement et rapidement son but, jusqu'à ce qu'un soir, sous les lueurs du soleil couchant, elle eût aperçu les tourelles de Felsenthal. Alors, la réaction s'était faite. Son regard voilé de pleurs avait distingué la petite chapelle romane, et ses mains jointes s'étaient tendues en avant comme pour détourner la malédiction du père offensé et solliciter son pardon. Le soir même de son retour, Ludmie prenait le chemin du presbytère. Y retrouverait-elle ses habitants? Depuis un an, elle ne savait plus rien d'eux. Comment eût-elle osé se retourner vers l'abbé Reichardt? Lui découvrir sa honte, mais hélas, cette honte, il ne devait pas l'ignorer. Que de larmes il avait dû verser sur elle. Quelle nouvelle tristesse dans sa triste vie que la chute de son enfant d'adoption, de celle qu'il avait exhortée, plein de confiance, la croyant faite pour le bien, pour l'accomplissement de grandes choses. Combien son cœur devait saigner en face de toutes ses promesses irréalisées, de toutes ses espérances détruites. Erita, ah, pour elle, la chère et sainte petite créature, le calvaire devait être achevé. Instinctivement, Ludmille levait les yeux pour la chercher au-dessus d'elle. Du monde meilleur où était l'enfant, peut-être, abaissait-elle son regard vers la terre et, ce que son innocence n'eût pas compris ici-bas, son âme immortelle le pardonnait d'en haut. Rien n'avait changé dans l'aspect de la maisonnette grise. Elle paraissait aussi poétique, aussi paisible que par le passé, sous son revêtement de glycine et de pervenche. Mais aucune lumière ne brillait du côté de la chambre de Rita. Une seule fenêtre était éclairée, celle de la bibliothèque. Ludmie s'avança sous le porche de pierre et, sans sonner, ne savait-elle pas les habitudes simples de la maison, elle ouvrit la porte d'entrée qu'aucun verrou ne défendait et se dirigea, comme elle l'avait fait si souvent jadis, vers la pièce où travaillait l'abbé Reichardt. Mon Dieu, comme cela ressemblait à autrefois, et pourtant que tout était changé. Ah, pour être la Ludmille d'alors, pour avoir une heure seulement. La sainte ignorance qu'elle avait perdue, elle compterait pour rien toute une vie de torture. Au bruit de ses pas, l'abbé s'est élevé. Qui pouvait donc venir chez lui si tard? Sur le seuil de la porte, il était demeuré interdit devant la silhouette d'une femme qu'il distinguait mal dans l'obscurité. Sans doute, quelque malheureuse qui venait implorer un secours ou un abri, et de cette voix bien timbrée, dont l'accent seul ranimait. « Que désirez-vous de moi, mon enfant? En quoi puis-je vous être utile ?» Ludmille poussa une faible exclamation. « Vous ne me reconnaissez pas, mon père ?»« Ludmille ! » s'écria-t-il. « Ma pauvre chère petite, est-ce bien vous ? Ah, que Dieu soit loué ! Mes prières ont été entendues !» Il l'attira dans la bibliothèque. Chancelante, elle se laissa tomber sur une chaise et cacha sa figure dans ses mains. « Calmez-vous, dit-il, ne cherchez pas à me parler encore. Vous êtes avec un ami qui ne veut pas vous juger, mais qui vous plaint et qui souffre avec vous. » Ludmille releva la tête. « Ah, dit-elle d'un ton douloureux, si vous saviez, je sais tout, fit le prêtre tristement. Mais si le cœur de l'homme a des abîmes de faiblesse, celui de Dieu a des abîmes de miséricorde. Et quoi que vous ayez fait, je n'ai pas le droit de vous juger. Je parle au nom d'un maître qui a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Plus tard, reprit-il après une pause, vous me ferez votre confession. Qu'il me suffise aujourd'hui de savoir que si vous êtes ici, c'est que vos yeux se sont ouverts, c'est que les entraves qui vous retenaient n'existent plus. Vous resterez, n'est-ce pas ? Toujours, dit Ludmille en comprimant un sanglot. Vous le voyez, mon père. Mes pressentiments ne m'ont pas trompé. Je vous avais dit que si le combat était trop rude, c'est ici, c'est près de vous, que je chercherais un refuge. Et j'ai tenu parole, mais le mal est trop grand, la plaie est trop profonde, vous-même, ne sauriez la guérir. Moi, certes, Ludmille, que suis-je donc sinon une créature fautive, sujette à l'erreur comme nous le sommes tous? Non, ce n'est pas moi qui vous guérirai, mais je puis au moins vous aider à trouver le remède. Il y a dans ma vie, plus que dans la vôtre, des pages que toutes mes larmes ne sauraient laver, des souvenirs qui me brûlent, qui me font monter le rouge au front. Ceci, c'est le châtiment inévitable, mais malgré tout, je suis en paix. La main de Dieu m'a soutenu. Vous aussi, elle vous soutiendra, pourvu que vous vous abandonniez à elle. Ludmille soupira. Si je pouvais être sûre de me repentir, dit-elle, si je le sentais assez puissant pour dominer en moi les regrets. Mais non, c'est là ce qui me remplit de doute et d'épouvante. Le remords m'a poursuivi, le passé me hantait. Je voyais mon père bien-aimé devant moi, le regard chargé de colère, la main levée pour me maudire. J'ai haï ma faute. Jour et nuit, j'en ai subi l'obsession douloureuse. Et pourtant, ah, comprenez mon père, jusqu'où je suis tombé. Pourtant tout crie en moi lorsque je me dis que je ne goûterai plus jamais les fatales douceurs que j'ai répudiées. Alors, averti, je me saisis, mon jugement se trouble, je ne vois dans mon renoncement qu'une inutile folie. » Un sourire de tendre pitié erra sur les lèvres de l'abbé Reichardt. « Enfant, vous ne faites qu'essayer vos pas sur cette route étroite du salut, et vous vous étonnez qu'on y marche avec peine, que les pierres vous heurtent et les épines vous déchirent. Ah, ces indécisions de l'âme, ces fluctuations de la volonté, ces retours violents de passions mal éteintes, croyez-vous que vous soyez seul à les connaître? Où serait le mérite, dites-moi? Où serait l'expiation si votre cœur ne regrettait rien, si la satiété et non le repentir le ramenaient à Dieu? Non, vous souffrirez, vous aurez des heures amères, la tentation s'imposera à vous, mille fois plus séduisante que lorsque vous n'y résistiez pas. Le combat sera long et pénible, mais d'autres l'ont livré avant vous, d'autres ont triomphé ou triompheraient à votre tour. » Ludmille eut un geste de doute. « Je ne sais. En moi, autour de moi, tout n'est que ténèbres. Et quand même, mon père, j'arriverai à me vaincre. Quand même, je me résignerai à un avenir décoloré et sans espoir. Le passé n'en demeurera pas moins. Rien ne le rachètera. Oh, je suis lâche. Je ne puis me consoler en songeant que jusqu'à mon dernier jour, je serai la créature dégradée dont toute femme vertueuse se détourne. » Aux yeux du monde, peut-être, répondit l'abbé. Hélas, qu'est-il donc pour prononcer des condamnations sans appel? Où sont les âmes qui n'ont jamais failli, dont aucune tache n'a terni la pureté? Rita, suggéra doucement Ludmi. Le prêtre tressaillit. Oui, Rita, l'ange qui n'a fait qu'effleurer la terre, qui est partie ignorante du mal, radieuse d'une espérance immortelle. Ah, que n'étiez-vous là? Que n'avez-vous pu la voir? En face des sublimes enseignements de ce lit de mort, vos doutes, vos terreurs se fussent évanouis. Jusqu'à la fin, elle vous a appelé, elle vous a aimé. Au ciel, elle vous aime encore. Il passa sa main sur ses yeux humides. C'est un étrange mystère, reprit-il. Rita, si jeune, a expié comme une coupable. Pourtant, qui oserait dire qu'il y ait ici-bas une souffrance inutile? Qui sait si, devant notre juge à tous, les mérites de la petite victime ne plaident pas pour vous comme pour moi? Qui sait si ce n'est pas elle qui vous a ramené? Oui, je veux le croire. Je veux croire que je lui dois cette consolation suprême de ma vieillesse. Une expression de confiance heureuse brillait dans son regard. Sa pensée semblait se perdre dans la contemplation de l'au-delà. J'oublie qu'il est tard, dit-il enfin. Vous devez avoir besoin de repos, mon enfant. Je vais vous reconduire. Demain, nous nous reverrons. La nuit était venue. Aucun bruit ne troublait le sommeil des choses. En silence, le prêtre et Ludmi s'engagèrent dans le sentier bordé d'aubépines et remontèrent jusqu'au château qui se dessinait fantastique sous la clarté vacillante des étoiles. Les jours qui suivirent furent peut-être les plus cruels de la vie de Ludmi. Pendant sa fuite précipitée, elle avait été soutenue par une excitation fébrile et par les préoccupations forcées et matérielles du voyage. Maintenant, la nécessité d'agir avait disparu. Elle restait en face d'elle-même, inerte, brisée de sa victoire. La sagesse de la Vereichart ne prévoyait que trop juste lorsqu'il l'avait avertie qu'elle ne faisait que commencer à souffrir. Et comme si tout devait lui faire défaut à la fois, sa santé s'altérait. Il n'est pas rare que le corps se venge des imprudences héroïques de l'âme. Ludmi, brûlée par la fièvre, épuisée par des crises nerveuses, manquait de force pour s'exercer à la résignation patiente. Ce fut pendant cette première phase qu'elle reçut une lettre d'Ewald. « Je vous devine à Felsenthal, écrivait-il. « Je sens que vous aurez choisi ce refuge parce qu'il est le seul où il m'interdit de vous suivre. Mais tout cela est-il bien vrai, Ludmi? Tout cela est-il possible? Quoi, vous mentiez? Vous jouiez vis-à-vis de moi une parodie de tendresse, et ce n'est que lorsque la répugnance a été trop insurmontable que vous vous êtes dérobé à mon amour? Et vous m'avez abandonné sans un élan de cœur, sans un mouvement de pitié? Mais où puisiez-vous, dites-moi, le triste courage de me tromper ainsi? La franchise entre nous n'eût-elle pas mieux valu? Non pas la franchise tardive et impitoyable de votre lettre d'adieu, mais celle qui me laissait lire dans votre âme en même temps que vous y lisiez vous-même, qui m'en eût découvert les amertumes et les découragements qui m'eût associé à la lutte déchirante qui se livrait en vous. Pensez-vous donc que je n'eusse pas tout pardonné? Pensez-vous que j'eusse hésité entre votre bonheur et le mien? Alors pourquoi cette désertion brutale? Pourquoi me traiter en ennemi? Ah, tenez, il y a dans votre conduite quelque chose d'étrange et d'inexpliqué. Malgré tout, je ne puis croire que vous ne m'aimiez plus. Peut-être, dans l'exaltation de votre dévouement, vous êtes-vous imaginé que vous étiez de trop dans ma vie? Peut-être, ne m'avez-vous fui que pour m'affranchir? Ludmi, s'il en était ainsi, ne persistez pas dans cette résolution folle. Ne nous sommes-nous pas jurés de tout oublier l'un pour l'autre? Rappelez-moi d'un mot, et la confiance que vous avez si cruellement ébranlée renaîtra. Nous écarterons les mauvais souvenirs. Nous reprendrons le rêve interrompu. Ewald. Le rêve interrompu, oh non, il était bien fini, fini à jamais. Ludmi ne voulait plus se rendormir. Mais cet appel d'Ewald, si loyal et si simple, était une douleur de plus. Elle le retrouvait là tout entier. Un autre aurait faim de croire au prétexte qu'elle lui donnait. Lui, chevaleresque jusqu'au bout, n'acceptait pas sa ruse généreuse. Il voulait lui rendre sa place auprès de lui parce qu'il sentait, en dépit de ses dénégations, qu'elle l'aimait encore. Non, cela ne devait pas être, cela ne serait pas. Inhabile au mensonge, elle s'était laissée pénétrer, mais elle saurait mieux mentir cette fois, la dernière. « Je vous ai dit la vérité, répondit-elle. Mon amour est si bien mort que j'en suis à me demander s'il a jamais existé. Ne vous faites pas l'illusion de croire que j'ai voulu vous délivrer de moi. Je n'ai pas de ces inspirations héroïques. Je ne suis qu'une femme faible et mobile comme tant d'autres, et je m'estimais trop en me croyant capable d'une longue constance. Faut-il vous l'avouer? Je suis presque humilié de la satisfaction égoïste que j'éprouve depuis que je me suis reprise. J'eusse voulu que notre amour laissât en moi des traces plus durables, mais rien n'en reste. Je ne ressens que la surprise d'avoir pu y céder un seul instant. Vous le voyez? Il ne faut pas chercher à rallumer des cendres refroidies. N'essayez pas de me fléchir, mais encore une fois, pardonnez et oubliez. Toute mon excuse, c'est ce que je m'ignorais moi-même. L. de H. Un sourire navré contractait la bouche de Ludmie pendant qu'elle jetait sur le papier ces phrases sèches et odieuses. C'était bien la rupture irrévocable. Sous le coup du désenchantement complet, Evald ne ferait plus de nouvelles tentatives. Il renoncerait à elle sans la regretter, mais en la méprisant. En vérité, elle avait réussi à accaparer la souffrance pour elle seule. Elle vit partir sa lettre, avec la sensation que quelque chose achevait de mourir en elle. Cette fois, le prince ne répondit pas.